Amis humains, bonjour. Agriculture, choisissez des solutions d'avenir. Tous les jours, trois fois par jour, nous nous posons cette même question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Pour presque 1 milliard de personnes dans le monde, cette question n'amène aucune réponse évidente. En réalité, le modèle de production de notre alimentation est en crise. Une crise conduite par un système agricole toxique qui nous impacte tous. Cette crise concerne notre alimentation et les agriculteurs, ceux qui nous nourrissent, mais aussi une agriculture intensive, industrielle, aux impacts multiples. Pour faire face à ces impacts, l'agriculture en 7 principes clés. Nous pouvons produire autrement. Les solutions existent déjà. Il faut les aider à grandir. Il faut semer partout dans le monde les graines de l'agriculture écologique afin que leurs fruits soient accessibles à tous. Il est nécessaire de passer à un système de production alimentaire moderne. Un système où sont au centre citoyens, agriculteurs et paysans. En France, ces principes sont déjà appliqués par de nombreux agriculteurs. Ils ne demandent qu'à être développés et mis en pratique afin d'irriguer tout notre modèle agricole et de faire face à l'agro-business. La maison des semences paysannes du Lot, ou la réappropriation collective des savoir-faire paysans. Depuis des millénaires, les paysans partagent et cultivent eux-mêmes les semences sélectionnées dans leurs champs. Ils connaissent parfaitement leur terre et le climat, et sont mieux placés que quiconque pour choisir des semences variées et adaptées à leur environnement. Ils sont ainsi les garants d'une agriculture durable, propice au maintien de la biodiversité. Pourtant, l'industrie agroalimentaire impose des semences industrielles standardisées, des semences gourmandes en pesticides et néfastes pour l'environnement. Elles fragilisent la dépendance économique des paysans, nuisent à notre souveraineté alimentaire et altèrent considérablement la biodiversité ainsi que la qualité des produits que nous trouvons dans nos assiettes. Peyot, Aude, Florent, Cassandre. Maraîchers, paysans, boulangers, jardiniers, éleveurs. Ils sont tous membres de l'ADEAR du Lot et souhaitent qu'une maison des semences paysannes voie le jour dans leur région. Mais pour cela, ils ont besoin de vous. Les diagnostics agriculture paysanne, ou comment changer les pratiques. Alarmés par les dérives de l'agriculture productiviste, de nombreux paysans en France se sont unis pour réfléchir aux alternatives possibles et ont créé la charte de l'agriculture paysanne. Cette approche globale, née de leurs réflexions et de leurs expériences, promeut une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, économiquement viable et plus proche des consommateurs. Un outil très efficace est à leur disposition pour accompagner d'autres agriculteurs à entrer dans cette démarche, le diagnostic agriculture paysanne. François, Olivier, Margot, Corentin. Ils sont tous membres de la DEAR du Lot et souhaitent qu'une maison des semences paysannes voie le jour dans leur région. Mais pour cela, ils ont besoin de vous. Découvrir et soutenir les paysans du centre. Greenpeace France. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.